Il a dormi dans le froid de la nuit, au-delà de l'ennui, pour crier l'anarchie, mais pour vivre la nuit, et surtout pas penser à toute la tête de nuit. J'ai vu le magicien qui me tendait ses mains, ses vidéos à expliquer, moi je n'y comprends rien. Et le verso, toutes les hécatombes, nous poserons des bombes, juste sur ta tombe. Allez, tu es vivant, et priez pour les morts, organisez vos forces pour créer la folie. J'ai vu le magicien qui me tendait ses mains, c'est dur à expliquer, moi je n'y comprends rien. Voyou en avant, voyou derrière nous, voyou avec nous.